Jidérien, Jidérienne, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce premier podcast d'Open Jidéri. Après quelques semaines d'absence depuis la fin du RPG A Day, je reviens aujourd'hui avec cette nouvelle démarche, celle d'Open Jidéri, que je vais vous présenter aujourd'hui au travers de cette vidéo. Alors, comment est né OpenJDRI? Alors, en fait, tout a débuté avec le RPG A Day 2017, pour lequel j'ai pu réaliser 29 sur les 31 vidéos possibles. Et je reconnais que j'ai entamé cette démarche comme étant un peu une blague, notamment pour répondre à mon ami Franck des podcasts anonymes. Et très rapidement, je reconnais que je me suis pris au jeu. Cela m'a énormément plu de partager avec vous, aussi bien sur la chaîne YouTube que sur ma page perso Facebook, les jeux de rôle que j'aimais, ma pratique du jeu de rôle, et tout cela dans une ambiance bienveillante et qui a permis énormément d'échanges. Et au fur et à mesure, je reconnais que j'ai essayé de monter en gamme de qualité, puisqu'au départ, j'utilisais ma webcam de mon ordinateur portable. Je ne retravaillais pas l'image, je ne retravaillais pas le son, je ne faisais pas de montage avec une captation du son via le micro de mon ordinateur. Autant dire que les premières vidéos étaient absolument atroces en termes de qualité. Et je me suis dit que c'était impossible de rester avec ce niveau de qualité si bas parce que je trouvais que c'était pas honnête envers vous. Donc j'ai commencé à investir dans une petite caméra, une petite Logitech C525 notamment, et un micro-cravate Boya. Et j'ai commencé à faire un petit peu de montage également. Alors, rien de bien compliqué, hein, je suis clairement pas du métier, mais essayer de proposer, en plus de contenu intéressant, je l'espère, une qualité audio et vidéo qui soit d'une meilleure qualité. Mais comme toute chose a une fin, bah, le RPG ED s'est arrêté fin août. Et je me suis retrouvé un petit peu orphelin, ou en tout cas devant une question à savoir, est-ce que je dois continuer ma démarche ou est-ce que je dois m'arrêter? Alors le RPG ED, effectivement, au départ, était un peu une blague, mais c'était aussi une excuse. Une excuse parce que je pensais depuis quelques semaines, quelques mois plutôt même, à lancer quelque chose qui soit proche d'un podcast audio ou vidéo ou d'une autre manière que ce soit. Et je ne savais pas vraiment comment m'y prendre et comment la lancer. Alors, je suis un auditeur très assidu des différents podcasts rôlistes tels que La Cellule, Radio Rôliste notamment, Les Voix d'Altaride bien évidemment, ou aussi des vidéocasts comme Rôliste TV ou les podcasts anonymes. Enfin, le podcast anonyme, excusez-moi. Et j'avais envie moi aussi de partager avec vous sur ma passion. Alors je le fais au travers de ma page perso Facebook notamment. Je le fais également dans les colonnes du Maraudeur pour lequel je suis le rédacteur en chef. Mais je voulais tester un autre mode de communication pour moi. Et notamment YouTube ou le podcast audio était ce nouveau moyen de communication. Notamment parce que je n'allais pas aborder les mêmes choses dans le Maraudeur qu'au travers de mes vidéos ou de mes podcasts audio. Et donc, j'ai pris quelques semaines pour échanger avec mes amis rôlistes, podcasteurs également, sur la démarche. Et j'ai eu énormément de retours, vraiment tous bienveillants, avec énormément de conseils techniques notamment, mais pas que. Et je les en remercie énormément, notamment sur ces derniers jours, puisque la question d'augmenter la qualité sonore s'est posée. Et j'ai énormément changé avec certains d'entre vous, dont Julien notamment, Guillaume, Sébastien et beaucoup d'autres que j'ai pu embêter sur quel matériel ils utilisaient, qu'est-ce qu'ils me conseillaient d'acheter et ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, bah, j'ai effectivement essayé d'améliorer cette qualité sonore, bah, notamment en achetant un micro Blue Yeti. On verra bien ce que ça donnera dans le temps. Mais a priori, j'ai l'impression que les premiers tests sont plutôt prometteurs et j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Alors vous allez me dire, bien sûr, OpenJDRI, c'est quoi en fait? Parce que tu commences à nous en parler depuis quelques minutes sur cette vidéo, mais tu ne nous expliques pas ce que c'est. Alors, OpenJDRI, en fait, c'est une démarche que je veux ouverte, pour laquelle je souhaite parler ben, du jeu de rôle, du milieu du jeu de rôle, de ceux et celles qui font le jeu de rôle, mais également de ma pratique du jeu de rôle et des coups de cœur que je peux avoir. Je souhaite absolument que cette démarche soit bienveillante. Je n'ai absolument aucune envie de réaliser des vidéos ou des podcasts audio pour clasher. Ça ne m'intéresse absolument pas, même si je sais que ça fera buzzer et qu'il y aura plus de likes et plus de partages, etc. Mais j'ai vraiment pas envie de ça. J'ai plutôt envie de vous parler des choses que j'aime, ce qui n'empêchera pas d'être critique, bien évidemment, mais je souhaite vraiment que ce soit bienveillant. Ensuite, c'est une démarche qui est ouverte parce que je souhaite la co-construire avec vous. Je ne veux pas arriver avec, face à vous plutôt, avec un plan média tout bien défini, avec des choix de thématiques qui puissent effectivement faire le buzz et, on va dire, inonder le net. Non, j'ai vraiment envie de construire avec vous cette démarche et la construire vraiment au travers de nos échanges. Et les échanges ont déjà commencé depuis quelques semaines et vous verrez que des choses ont déjà été mises en place et ne pourront faire et être évoluées que grâce à vous. Pardon. Alors bien sûr, vous allez me dire, est-ce bien utile de monter et de lancer une nouvelle démarche et un nouveau podcast rôliste? En effet, depuis maintenant quelques années, ce type de démarche s'est multiplié sur le net avec la cellule Radio Rôliste, Rôliste TV, le podcast anonyme, les voix d'Altaride, les diffusions également de Thomas Munier, etc., etc. Effectivement, il y a maintenant beaucoup de podcasts qui sont diffusés sur le jeu de rôle. Mais je crois que plus il y aura de médias et plus il y aura de démarches qui seront là pour parler du jeu de rôle, mieux ce sera. Je souhaite forcément que les personnes qui fassent du jeu de rôle sortent de cette idée qu'il ne faut pas en parler autour d'eux, que c'est honteux. Et effectivement, je pense que plus il y aura de personnes qui parleront du jeu de rôle, ben, mieux ce sera. Alors oui, peut-être que notre loisir deviendra mainstream. Et qu'une partie de la population des rôlistes ne le souhaite pas. Mais très franchement, quand je vois des démarches telles que celle de Destart de Fabien Fernandez avec les éditions Matago, la démarche de Maillard avec notamment Aventure, et le nouveau kit d'initiation de Larousse au jeu de rôle, et bien franchement, je trouve ça génial. Je trouve ça génial également qu'Ankama puisse mettre dans la FNAC ou Cultura, un livre qui soit à base de Frixquill, le jeu d'aventure, tout comme il l'avait déjà fait avec City Hall. Et donc oui, je pense que c'est utile d'avoir un nouveau podcast sur le jeu de rôle. Alors bien sûr, j'espère que les rôlistes qui regarderont et écouteront ce podcast apprendront des choses et que ça leur plaira et qu'ils auront envie d'échanger. Et si en plus des personnes qui ne connaîtraient pas notre loisir ben, le découvrent au travers de mes vidéos et que ça puisse être une des portes d'accès vers notre loisir, ben, j'en serais vraiment, vraiment ravi. Alors comment ça va se structurer cette démarche? Alors, il y a déjà des choses qui sont déjà mises en place. Comme je l'ai dit, il y a une page Facebook OpenJDRI qui existe déjà. Tous les liens dont je vais vous parler sont dans la description de cette vidéo. Cette page permet bah, notamment de centraliser les vidéos, mais surtout de partager et d'échanger avec vous sur la démarche et sur le jeu de rôle. Il y a un Google Plus également qui existe. J'ai également mis en place un site WordPress et je remercie énormément Laurent pour son aide pour tout ce qui a été l'aspect technique sur le montage de ce WordPress. Et cette vidéo permet notamment d'annoncer la mise en ligne de ce site web. Et ben, comme vous avez pu le voir, il y a une nouvelle charte graphique avec un logo qui a été créé ainsi qu'une bannière et je remercie vraiment le créateur. Aujourd'hui, on filme dans un endroit un peu particulier. Je ne sais pas si on pourra tourner régulièrement ici, mais j'essaye également de changer le décor. Et puis, ben, comme je vous l'ai dit, on va essayer de monter en gamme de qualité sur la qualité vidéo, sur la qualité audio. On verra bien si le Blue Yeti suffira pour un certain temps. Et puis, on verra si je fais évoluer la webcam que j'ai actuellement pour passer notamment au modèle supérieur. Alors maintenant, vous pourriez vous dire, quelle va être la fréquence d'OpenJDRI? Alors pour l'instant, je suis encore en mode co-construction avec vous de ce que sera OpenJDRI, notamment sur l'utilisation de la chaîne YouTube. Est-ce que cette chaîne va me permettre de diffuser et je me concentrerai uniquement sur des vidéos courtes de 5 à 7 minutes type RPG A Day pour parler par exemple d'un jeu en particulier, d'un jeu que j'ai aimé, d'une démarche que j'ai appréciée ou de toute autre chose? N'hésitez pas à me faire des suggestions, elles seront les bienvenues. Et notamment, est-ce que la démarche s'accompagnera également d'un podcast audio qui sera plus long et qui traitera de plus d'éléments? Actuellement, j'ai plutôt en tête effectivement une alternance d'un podcast vidéo parlant peut-être soit d'un jeu que j'ai aimé, soit en reprenant des questions de précédents RPG A Day, par exemple, je ne sais pas encore, avec un podcast audio qui serait plus long sur une thématique notamment. C'est encore en réflexion, je le reconnais. Et je pense que très probablement avec nos échanges, j'en saurai plus, voire même peut-être que les deux coexisteront. L'objectif, ça serait bien de pouvoir produire une vidéo et un podcast audio par mois. Je ne sais pas si c'est ambitieux. Je vois que j'ai énormément de difficultés actuellement du fait d'avoir eu pas mal d'ennuis techniques avec mon ordinateur, un disque dur qui est mort en septembre, avec un micro qui est également mort en octobre, et j'ai mis énormément de temps finalement à tourner cette vidéo de présentation, et donc je me dis que peut-être que deux podcasts qui soient audio et ou vidéo par mois, c'est peut-être ambitieux. Je verrai bien. En tout cas, je ne souhaite pas forcément me mettre de deadline, même si les deadlines sont sympas, puisque ça permet d'avoir un objectif et d'essayer de le tenir, mais ça peut aussi conduire à une production qui ne soit pas forcément de qualité et qui soit uniquement dans une démarche de produire, uniquement pour tenir les délais. Et ça, je ne le souhaite pas. Je souhaite que cette démarche soit, entre guillemets, zen, bienveillante, et si des contraintes techniques, notamment, ou de temps, m'empêchent de produire autant que je souhaiterais, et bien malheureusement, j'essaierai de ne pas produire des contenus qui soient bâclés uniquement pour essayer d'alimenter la chaîne YouTube. Et il y a de fortes chances que je sois plus actif, notamment sur la page Facebook, pour vous tenir au courant des avancées des différents podcasts et échanger beaucoup avec vous. Alors maintenant, on peut se poser la question de quand arrivera la prochaine vidéo ou le prochain podcast audio d'OpenJDRI. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai eu pas mal de pannes matérielles entre septembre et octobre, et début octobre, j'avais pour ambition de produire déjà cette vidéo, puis de produire le premier podcast audio qui a déjà un thème défini qui sera les rois et les pirates. Mais, comme j'ai pu vous l'expliquer, le matériel n'a pas suivi, et donc on est déjà fin octobre lorsque j'enregistre cette vidéo, et j'ai toujours pas produit ce premier podcast. Donc effectivement, je vais essayer de décaler tout cela et espérer pouvoir enregistrer le premier podcast dans le courant du mois de novembre pour le diffuser. Je réfléchis déjà au numéro 2 et au numéro 3 qui ont déjà des thèmes qui sont déjà fixés. Maintenant, j'essaye de réfléchir à savoir quelle va être la manière de les aborder. On a aussi une petite surprise qu'on est en train de mettre en place avec un autre podcasteur. On vous en dit pas plus pour l'instant, mais on espère que cette petite surprise qui devra arriver d'ici un mois à peu près vous plaira, que ça vous amusera et que vous participerez avec nous à ce petit challenge. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Ça fait un peu tease, je reconnais, c'est pas super cool, mais on espère vraiment que ça vous plaira et on travaille dur sur cette démarche en tout cas. Alors, que dire de plus, si ce n'est ben, merci. Merci à vous vraiment énormément. Merci parce que durant le mois d'août, quand on a pu échanger durant le RPG A Day, je reconnais que tous ces échanges positifs qu'on a pu avoir m'ont encouragé, m'ont donné envie de continuer, de poursuivre. Merci également durant la période du mois de septembre et octobre où j'essayais de structurer cette démarche et où j'ai eu quelques problèmes, notamment techniques ou philosophiques sur la manière d'aborder la démarche et où j'ai eu d'énormément de retours vraiment très positifs et hyper constructifs. Alors vraiment, vraiment merci à vous, merci à vous tous. Je suis désolé de ne pas vous citer tous, Mais vous savez que vous avez participé énormément au lancement de la démarche. J'espère ne pas vous décevoir, j'espère vous apporter du contenu intéressant, que vous me suivrez, que vous likerez, que vous partagerez, etc. Une réflexion est déjà en cours suite notamment à des échanges avec certaines personnes sur peut-être la mise en place d'un Tipeee, je ne sais pas encore. Très franchement, je ne sais pas encore. Notamment parce que je considère que j'ai pas suffisamment produit encore de contenu pour justifier de la mise en place d'un Tipeee, même si je sais que il va falloir que je fasse évoluer mon matériel, aussi bien des softbox que des fonds verts peut-être, la caméra qu'il va falloir évoluer, etc. Peut-être un logiciel plus pro pour le montage vidéo. Je ne sais pas encore, très franchement, j'y réfléchis. On pourra en parler, ce sera avec plaisir, mais en tout cas. Vraiment, vraiment, merci à vous. Merci à vous de me suivre. Merci à vous pour les échanges qu'on peut avoir. J'espère que ça vous plaira. J'ai envie de vous donner rendez-vous en novembre pour le premier podcast sur les rois et les pirates. D'ici là, ben, lisez bien, jouez bien, partagez bien. Et puis, portez-vous bien en JDRI. Allez, bye bye à tous.